Gérard Depardieu. G, E accent aigu, R, A, R, D, plus loin, D, E, P, A, R, D, I, E, U.